Quel est ce sentiment qui soudain nous retient, l'annonce d'un rivage au terme d'un long voyage, tout ce bonheur qu'on sent sous le cristal du temps, un peu plus qu'un regard, le début d'une histoire. C'est un entre nous un amour fou. Quand tu es là, je n'ai plus peur. J'aurai toujours pour toi une place dans mon cœur. J'aurai toujours pour toi une place près de moi. On peut chercher longtemps la magie d'un instant, soudain dans un sourire, mordre le désir, c'est toi qui me surprends. Au premier frôlement, toi qui m'emportes loin, par la danse de tes mains. C'est un aveu du fond des yeux, c'est entre heures du jour, c'est un heure.